La séance est ouverte. La première loi limitant le travail des enfants. Restitution d'un débat parlementaire à la Chambre des Pairs avec les comédiens français depuis le studio 104 de la Maison de la Radio. Nous sommes sous la monarchie de Juillet. L'époque a le goût du calcul et des grands nombres. Ainsi, elle multiplie les enquêtes statistiques sur les populations françaises. En sort un constat qui provoque l'effroi. De grandes migrations ont commencé dans le silence. Elles amènent quantité d'hommes, de femmes, d'enfants vers des usines qui poussent comme des champignons et des faubourgs où stagnent des foules au comportement imprévisible. Le pouvoir est alors exercé par un cercle bourgeois où les libéraux de stricte obédience auraient tendance à dire « malheur au pays dont le gouvernement s'immiscerait dans l'industrie ». Mais en même temps, comment ne pas s'inquiéter de ceux qui vont naître et grandir dans ces nouveaux cercles de l'enfer que construit la révolution industrielle ? Est-il normal que des familles misérables doivent contraindre leurs enfants à travailler à 7, 8 ou 9 ans pour assurer un peu de pain au foyer ? Les parlementaires de la monarchie de Juillet ne savent plus très bien où situer la barbarie. Est-elle au cœur de ce système capitaliste qui produit une telle exploitation ? Ou bien la barbarie se tient-elle dans la sourde révolte des populations laborieuses qui battent les murs des centres-villes et peuvent devenir, du jour au lendemain, des classes dangereuses ? En 1840, deux chambres fonctionnent comme aujourd'hui. La chambre haute siège comme aujourd'hui au palais du Luxembourg. Les pairs, héréditaires ou nommés qui la composent, prétendent disposer du calme de l'intelligence que permettent les situations acquises. Ils vont, dans leur sagesse, muscler un timide projet de loi gouvernementale qui visait mollement à limiter un peu le travail des enfants. La parole est à monsieur le baron Charles Dupin, rapporteur de la commission chargée d'étudier le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures. Messieurs, la funeste tendance qu'ont les industries d'accroître au-delà de toute borne la durée du travail journalier est dangereuse. La soif immodérée du lucre conduit certains chefs d'établissements industriels à dépasser les justes limites, celles où la nature suffit à réparer les forces que le travailleur a perdues par le travail. Et cette extension peut conduire à des conséquences fatales à la santé, à la vie même des hommes. Les travailleurs deviennent en quelque sorte des accessoires, plus ou moins sacrifiés aux grandes forces impulsives des machines. Quelles peuvent être les conséquences de semblables excès ? Un rapide affaiblissement de la santé, des maladies professionnelles, des infirmités précoces et graves. Et si ces excès font périr l'homme fait et robuste, qu'on juge du dépérissement où doivent tomber des adolescents, et surtout des enfants, lorsqu'ils sont assujettis à la même longueur démesurée du travail journalier. Ceux des jeunes travailleurs qui ne périssent pas victimes d'un tel excès de barbarie n'atteignent la virilité qu'avec un tempérament délabré, des forces énervées et des maux la plupart incurables. Ainsi, pour 10 000 jeunes gens en âge de supporter les fatigues du service militaire, les départements agricoles ne présentent que 4 029 infirmes ou difformes, tandis que les départements manufacturiers présentent 9 930 infirmes ou difformes. D'aussi grandes inégalités ne peuvent laisser le législateur indifférent. Elles attestent des plaies profondes et douloureuses. Elle révèle des souffrances individuelles intolérables. Elles rendent la patrie plus faible sous le point de vue des travaux militaires et plus pauvre sous celui des travaux pacifiques. Nous rougirions de l'agriculture si, pour ces travaux, elle n'amenait à l'âge du labeur qu'une aussi faible proportion de bœufs ou de chevaux en état de travailler contre un aussi grand nombre d'animaux infirmes ou difformes. Le pouvoir exécutif semble rempli d'appréhension sur les mesures à prendre. Il craint surtout d'empiéter sur l'autorité paternelle. Loin de nous de méconnaître cette autorité sacrée. Nous proclamons le droit des pères et par ces mots, nous entendons d'abord le droit de pourvoir les premiers à la nourriture, aux vêtements, au logement, à la santé de leurs enfants. Puis, le droit de veiller sur leur âme autant que sur leur corps. Le droit de les former en même temps à l'amour du travail comme à l'amour de la vertu. Mais le droit prétendu de vendre sans contrôle et sans frein la force, la santé, la vie de leurs enfants, nous voulons que la loi l'interdise. Le flétrisse et le châtie dans la personne des pères indignes de ce saint nom. Nous avons voulu avant tout poser les limites inférieures qui touchent à la tendre enfance et fixer l'époque où commence la permission d'admettre les plus jeunes travailleurs aux fatigues d'un labeur journalier et continu. Nous aurions voulu rendre générale la défense d'employer les enfants avant l'âge de 9 ans. Mais nous avons craint d'apporter une perturbation sensible dans les fabriques de lainage d'Elbeuf, de Louviers, de Reims et de Sedan. Nous avons en conséquence adopté la limite de 8 ans. Après avoir fixé la limite d'âge, il nous restait à fixer la durée du travail. Nous avons pensé que nous ne pouvions, sans aucun prétexte, accepter pour maximum de travail une durée plus grande que celle de 12 heures. Mais si l'on reconnaît que 12 heures sont le maximum de travail journalier qu'on puisse imposer aux adolescents de 13 à 15 ans, n'est-il pas évident que ce maximum est trop considérable pour les jeunes gens de 10, de 9 et de 8 ans ? Nous proposons donc d'appliquer la limitation de 8 heures maximum de travail aux enfants de 8 à 12 ans. Nous proposons également d'interdire le travail de nuit et ne le concédons que dans les cas extraordinaires et momentanés en compensation de chômage et de réparation d'accidents, uniquement pour les jeunes gens de 12 à 16 ans. La moindre durée de travail des enfants âgés de moins de 12 ans nous paraît très avantageuse pour leur permettre de continuer leur instruction primaire et d'accomplir leur instruction religieuse. D'abord, nous exigeons qu'au moment d'être admis dans une manufacture, l'enfant est suivi pendant 2 ans au moins les écoles primaires. Ensuite, pour les enfants et adolescents travaillant dans les manufactures, nous inscrivons dans notre texte la prescription positive du repos obligé pendant les jours fériés prescrits par la loi. Pendant ces jours, ils répareront leurs forces, accompliront des devoirs de famille et goûteront d'innocents plaisirs après avoir élevé leur âme à des pensées religieuses que le labeur quotidien ne laisse ni le temps, ni le lieu, ni l'occasion d'acquérir. Telles sont, messieurs, les conditions générales qui, selon nous, doivent protéger les enfants et les adolescents d'un bout à l'autre du royaume. Monsieur Pellegrino Rossi, vous avez la parole. Il n'est que trop vrai que l'ardeur excessive des producteurs, et plus encore peut-être le besoin, la misère et la mauvaise conduite d'un grand nombre de travailleurs, font imposer aux enfants une tâche qui est au-dessus de leurs forces. Sur ce point, aucun dissentiment n'existe entre nous. Deux systèmes s'offrent à votre choix. Nous voulons tous un règlement. Mais les uns estiment que le législateur est déjà assez instruit de tous les faits particuliers pour les pouvoir embrasser d'un coup d'œil et les généraliser avec hardiesse. Les autres, au contraire, estiment qu'en une matière aussi difficile, aussi délicate, aussi neuve pour nous, il fallait commencer par la voie expérimentale, par des essais. La première opinion est celle de la majorité de votre commission. La seconde est la mienne. Plus un pays est vaste, et plus ces variétés sont difficiles à saisir pour le législateur. De tous les grands États, si l'on excepte peut-être la Russie, il n'en est pas un seul qui, par son étendue et la diversité des circonstances physiques qu'il renferme, offre plus de variétés que la France. Quelles sont donc les raisons si puissantes qui nous feraient fermer les yeux sur ces vérités qui me paraissent, à moi, si élémentaires ? Est-ce ainsi qu'on entendrait l'égalité devant la loi ? L'égalité devant la loi en pareille matière consiste en ceci. Que dans la France tout entière, dès qu'un enfant est en état de travailler, il puisse travailler. Que dans la France tout entière, les enfants qui ne sont pas en état de travailler ne puissent pas être obligés de travailler. Voilà ! L'égalité de droit. L'égalité de droit consisterait-elle à dire que les enfants en France seront aptes au travail tous au même âge ? Supposons que dans un département, il fût constaté que les enfants sont aptes au travail à 8 ans. Et dans un autre, qu'ils ne sont aptes au travail qu'à 9 ans. Faudrait-il contraindre les enfants du premier département à ne travailler qu'à 9 ans ? Autant ordonner par une loi que tous les hommes auront la même dose d'esprit au même jour ? Que nul ne pourra devenir mécanicien, médecin, avocat, qu'à telle heure. Ce serait là un renversement de toutes les justes notions du droit. L'inégalité existerait alors. Parce qu'alors, on forcerait les faibles à travailler avant l'âge de la force et les forts à ne pas travailler bien qu'en état de le faire. Mais c'est précisément parce que nous ne pourrions pas connaître tous les faits particuliers du travail de toutes les manufactures que nous avons resserré, circonscrit le bienfait de la loi aux manufactures de la nouvelle industrie. L'enfant de 3 ans qui, du soir au matin, garde le bétail au grand air, y respire la force qui doit en faire un homme robuste. Notre amour des généralités ne s'étend pas jusqu'à prescrire la moindre mesure pour limiter la durée de son travail doux et salutaire, ni l'âge auquel ce travail doit commencer. Mais nous savons qu'à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans même, le travail continuel et prolongé dans les manufactures, en lieu clos, à température fébrile, énerve et tue les enfants d'un si bas âge. Cela nous suffit, et sans nous embarrasser de l'universalité des faits théoriques qui peuvent concerner l'enfance, nous appliquons le remède à l'endroit où la souffrance ne peut pas être niée. Je veux atteindre le but tout aussi fortement et tout aussi vivement que personne. Mais je crois que la loi proposée nous prépare des difficultés extrêmes d'application. En conséquence, ce que je demande, c'est que le gouvernement puisse procéder par une voie expérimentale, par voie d'essai, et que, lorsqu'il aura, pendant 4 ou 5 ans, fait ses observations, ses expériences, ses essais de règlement, il vienne alors avec des résultats positifs et nous dise « il est possible de faire une loi générale ». La parole est à Monsieur Charles de Montalembert. Merci, Monsieur le Président. Comment peut-on dire que pendant 4 ou 5 ans, il faudrait examiner profondément cette question avant de décider? N'est-ce pas une dérision que de confier le sort de nos pauvres enfants à l'instabilité perpétuelle des gouvernements? Monsieur Rossi lui-même ne doit point ignorer qu'en faisant une telle proposition, il se range du côté de ceux qui ne veulent rien faire pour soulager l'enfance opprimée. En présence des faits tels qu'ils sont, différer le remède, c'est vous rendre complice du crime. Il est vrai, grâce au ciel, que nous n'en sommes pas arrivés à ce point de voir chez nous les atrocités qui ont eu lieu en Angleterre. Nous n'avons pas encore vu de petits enfants de 7 à 8 ans condamnés à 15 heures de travail et leurs petites jambes affaissées de fatigue, enfermées dans des bottes de fer blanc pour les forcer de se tenir debout quand le sommeil les accable. Et cependant, on trouve dans les rapports officiels plusieurs exemples qui dénoncent les progrès croissants de la barbarie industrielle. Quant à moi, messieurs, je crois qu'il n'est pas permis de s'arrêter en présence de maux pareils. Quelle que soit la difficulté de la guérison, il faut la tenter. Souvent, je me suis dit, si un tyran, un conquérant étranger, s'était emparé de la France comme la Russie s'est emparée de la Pologne, et s'il nous eût tenu ce langage, dès qu'ils seront en état de se tenir sur leurs jambes, des centaines de milliers de vos enfants vous seront enlevés, seront introduits dans des établissements où leur organisation physique sera dégradée, où au lieu de connaître les jouissances, la gaieté, la liberté de leur âge, ils seront initiés à tout ce qu'il y a de plus déplorable dans la dépravation humaine, où ils seront moralement abrutis d'abord, puis intellectuellement hébétés pour être ensuite physiquement énervés, où vos jeunes filles perdront leur innocence avant même d'être nubiles. Si un tyran, dis-je, en agissait ainsi avec la France, il n'y aurait pas assez de haine et d'injures à déverser sur sa tête. Eh bien, le joug de l'industrie est celui-là, messieurs. Ce n'est pas sa volonté, je le sais bien. Mais voilà ses résultats. Je n'accuse personne, je reconnais la force des choses, l'impitoyable empire de la concurrence. Mais cet État existe, cet État pèse sur les générations de la France. Quel est le résultat, après tout? Est-ce véritablement pour augmenter la richesse, la prospérité, des campagnes qu'on y introduit les manufactures? Non. Vous y voyez sans cesse arriver de ces banqueroutes déplorables qui ruinent non seulement une famille, quelque considérable qu'elle soit, mais des milliers de ménages qui les ruinent à jamais après avoir dégradé leur enfance et qui les laissent en proie à la faim après leur avoir ôté toutes les consolations de la foi et de la vertu. Je dis que l'industrie répandue dans les campagnes au détriment des travaux agricoles est le fléau de la France. Alors voilà un projet qui vous propose de sauver au moins l'enfance, de la dérober à une partie notable de ses dangers. Votre devoir est de l'adopter. La parole est à Monsieur le ministre de l'Instruction publique, Monsieur Victor Cousin. Je crains que votre loi n'ait pour effet de dégoûter les manufacturiers de l'emploi des enfants. Ce serait là une chose très grave, car les familles les plus pauvres se trouveraient dans l'impossibilité de tirer parti du travail de leurs enfants. Je supplie donc la Chambre de ne pas perdre de vue le côté pratique de la question. Et puis, ne l'oubliez pas, la contrainte n'est pas un bon ressort de civilisation. Une école doit être un noble asile où les enfants viennent et demeurent avec plaisir. La liberté doit y présider. Car la confiance et l'amour ne se commandent pas. La nation, la loi doivent l'enseignement à tous les enfants de France. Or, voilà, messieurs, une classe nombreuse de la population envers laquelle, par la force des choses, cette dette n'est pas payée. Nous consacrons annuellement 10 millions de francs à l'enseignement primaire. Et pourtant, une classe entière des enfants du peuple ne jouit pas de cet immense bienfait. C'est la proscription d'une classe tout entière. C'est son ignorance forcée. Eh bien, nous demandons, pour des enfants qui jusqu'à présent ont été déshérités de l'enseignement primaire, aux manufacturiers ce qu'ils rougiraient tous de refuser. Un peu de zèle et de bienveillance pour l'instruction des enfants qu'ils emploient. Lorsque nous avons fait voter 8 heures de travail seulement pour les enfants de 8 à 12 ans, c'était pour nous ménager 4 heures disponibles pour l'instruction primaire et religieuse. Voilà quelle était notre pensée. Et quand nous voulons procurer un bienfait particulier à une classe jusqu'à ce jour en dehors de l'instruction commune et malheureusement en dehors de la moralité commune, on veut nous interdire de réaliser ce bienfait. On nous reproche de faire une loi qui ne s'applique pas à tous les enfants de France. À quel parti faudrait-il donc étendre ce que nous demandons aujourd'hui pour arriver à l'universalité ? Aux enfants qui vont d'eux-mêmes à l'école ? La coaction serait inutile pour eux. Ainsi, par un miracle de dialectique qu'il ne m'est pas donné de concevoir, cela serait bon si c'était général, mais comme nous ne voulons l'appliquer qu'à la partie nécessaire, sans nous préoccuper de la partie superflue, cela n'est plus bon à rien. Merci, Monsieur Dupin. La parole est à Monsieur Louis-Joseph Galussac. L'idée qui domine dans le projet de loi, c'est que le travail est la cause de la mauvaise santé des ouvriers. Et c'est à cet inconvénient qu'on veut porter remède. Je ne crois pas que cette base soit parfaitement juste. En effet, si le travail des filatures, par exemple, se faisait en plein air, nous ne nous occuperions pas aujourd'hui de cette question. Ce n'est pas le travail proprement dit dans les manufactures qui est véritablement la cause du dépérissement de la santé des ouvriers. Cela tient à beaucoup d'autres choses. Dans les filatures, par exemple, la véritable cause du mal, c'est l'insalubrité. On y vit dans une atmosphère toujours remplie de poussière, continuellement remplie de petits filaments, qui, aspirés par les ouvriers, sont une des principales causes de leur état. Dans les manufactures dans lesquelles on travaille le plomb, la vie moyenne des ouvriers n'est peut-être pas de plus de 2 ans. Lorsque les ouvriers font le blanc de plomb, ils contractent des maladies très graves. Eh bien, avec le projet de loi, vous abrégerez le travail, mais vous ne guérirez pas le mal. J'en suis convaincu, ce ne sera pas 1 heure de travail de moins par jour qui remédiera au mal que vous déplorez. Je proteste en outre contre certaines expressions employées par Monsieur le rapporteur à l'égard de notre industrie. Messieurs, plus je réfléchis à la loi que nous discutons, et plus grande devient chez moi la conviction qu'elle est une loi de prévention contre les fabricants. On considère le travail des enfants comme une source immense de lucre pour le fabricant, et le fabricant lui-même comme animé d'une avarice sans bornes, qui le dispose à exploiter le travail de l'enfance jusqu'à l'excès de la barbarie. Et alors, on veut que la loi prenne la tutelle de l'enfance et que le fabricant soit soumis à toutes sortes de sacrifices. Ainsi, au lieu de s'adresser à son humanité, à ses sentiments généreux pour le faire concourir au bien-être de l'enfance, la loi fera violemment peser sur lui une responsabilité effrayante et qui le troublera dans tout ce qu'il a de plus cher, dans son indépendance. Croyez-le bien, messieurs, la position d'un fabricant occupant de nombreux ouvriers n'est pas si douce, n'est pas si belle qu'on paraît le croire, car l'industrie n'est qu'une succession continuelle de succès et de revers. Les soucis l'assiègent jour et nuit, sa fortune est tout entière engagée dans son établissement. À une année prospère, en succède une désastreuse. Et alors, le fabricant, au lieu de jeter ses ouvriers sur la place publique, leur assure du travail. Le fabricant est donc dans l'État un véritable père de famille, naturellement ami de l'ordre et de la paix. Honneur, donc, honneur et protection à cet utile et si recommandable citoyen. Les manufactures prospèrent et répandent le bien-être et la richesse. Violer à chaque instant le domicile d'un fabricant, le soumettre à une surveillance inquisitoriale, le rendre responsable de la santé d'un enfant, lui imposer des sacrifices de toute espèce, c'est aller bien loin, bien trop loin. Malheur au pays si jamais le gouvernement venait à s'immiscer dans les affaires de l'industrie. Je persiste à croire que le fabricant, qui n'a autre chose à faire qu'à acheter la main-d'œuvre, qui, quand elle est achetée, n'a qu'à en disposer loyalement en bon père de famille, doit être maître chez lui. Et qu'on ne doit pas profiter en aucune façon de l'achat qu'il fait de cette main-d'œuvre pour le troubler dans sa liberté. Très bien, messieurs, nous avons entendu vos réserves, monsieur Gay-Lussac. Je mets néanmoins aux voix le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures tel qu'il avait été proposé par le baron Dupin. Le scrutin indique nombre de votants 126 pour 91 contre 35. La Chambre a adopté le projet de loi relatif au travail des enfants. Cette loi de 1840 ne manque pas d'actualité. En l'an de grâce 2014, il est un pays au président réputé de gauche qui vient d'élargir les possibilités de travail des enfants dans les mines et les manufactures. Ce pays, c'est la Bolivie, un syndicat d'enfants destiné à défendre l'extension du travail des enfants, a même été créé, dont le leader de 12 ans donnait des conférences de presse dans les couloirs du Parlement de La Paz. La Chambre des pairs de Luxembourg, en 1840, c'était Bruno Raffaelli, le baron Dupin. Loïc Corbery, le comte de Montalembert. Hervé Pierre, Pellegrino Rossi. Michel Favori, Gay-Lussac. Et nos séances, dont le texte était établi par Isor Pisani-Ferry, ont toujours lieu avec la participation d'Alexis Chevalier et de Grégoire Roqueplot.